Science publique, Michel Alberganti. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Science publique. Aujourd'hui, Science publique s'inscrit dans la journée que France Culture consacre aux routes de l'exil et que vous suivez depuis le tout début de la matinée. Comme toujours, vos réflexions et commentaires sont vivement attendus sur notre site au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Quel rôle jouent les nouvelles technologies dans les migrations ? En 1885, parmi les 7 lois établies par le géographe allemand Ernst Ravenstein pour formaliser les migrations humaines, l'une stipule que la migration augmente avec le développement de la technologie. Si ce phénomène est intimement lié à l'histoire de l'humanité depuis ses origines, il présente aujourd'hui des caractéristiques particulières en raison de l'utilisation grandissante des nouvelles technologies. Pour la première fois, les radios et les télévisions parlent et montrent la réalité quotidienne des migrants qui traversent l'Europe, depuis, entre autres pays, la Syrie ou l'Irak. Mais surtout, les nouvelles technologies sont exploitées par les migrants eux-mêmes, par les organisations qui les aident et par les autorités qui les contrôlent. Nous allons analyser aujourd'hui ce que les nouvelles technologies changent sur les routes de l'exil. Il est en effet frappant de constater à quel point les migrants d'aujourd'hui ressemblent à leurs ancêtres lorsqu'ils marchent sur les routes d'Europe avec très peu de bagages ou sont entassés dans de frêles embarcations. Mais cette image masque souvent le rôle des téléphones mobiles, par exemple. Ces téléphones permettent de communiquer, mais aussi de se diriger en territoire inconnu, de s'informer sur Internet ou de partager des informations sur les réseaux sociaux. Ils permettent de conserver des liens étroits avec le territoire d'origine, mais aussi d'en créer avec celui dans lequel les migrants doivent s'intégrer. Les associations qui aident les migrants développent également des applications qui leur sont spécifiquement dédiées. Si la technologie n'efface pas le déchirement que provoque l'exil, elle modifie sensiblement les modalités de la migration. Nous allons tenter d'évaluer au cours de cette émission, en direct depuis la Maison de la Radio, les impacts de ces nouvelles technologies avec nos invités. Alors, nos invités sont Carlos Arbeláez, réfugié colombien en France et président de l'association Singa. Guillaume Capel est cofondateur et co-directeur de l'association Singa, la même association. Donc, Dana Diminescu est sociologue et enseignant-chercheur à Télécom Paris Tech. Jérémy Lachal est directeur général de l'organisation non gouvernementale Bibliothèque sans frontières. Et Christian Licop est professeur de sociologie des technologies d'information et de communication au département des sciences sociales de Télécom Paris Tech. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Science Publique sur franceculture.fr. Dana Diminescu, bonjour. Bonjour. Alors, vous vous intéressez à l'impact des nouvelles technologies sur les migrations depuis 15 ans. Alors, c'est bien avant donc ce qui se passe aujourd'hui. Et en 2002, vous écriviez que ces nouvelles technologies, qu'il s'agisse d'Internet, des téléphones mobiles ou des réseaux sociaux, semblent marquer un nouvel âge dans l'histoire des mobilités urbaines. Alors, en quelques mots, pour débuter cette émission, comment vous pourriez qualifier ce nouvel âge dont vous parlez ? D'une manière très, très simple, si avant on immigrait, on coupait les liens, aujourd'hui la nouvelle technologie assure plutôt un autre modèle, genre circuler et garder le contact. Voilà, si je pourrais le dire dans une formule. Bien entendu, il faut nuancer, les choses sont un peu plus complexes et les technologies changent et les générations qui utilisent les technologies changent aussi. Donc, pendant ces 15 années, j'ai vu pas mal des pratiques qui ont évolué, pas mal et qui se sont adaptées. Voilà, quand j'ai commencé par la frontière informatique. Aujourd'hui, la frontière informatique est toujours dans le tableau, mais il y a Facebook, il y a Twitter, il y a WhatsApp, il y a beaucoup d'outils, oui, nouveaux. Mais le point commun, c'est d'abord ce lien avec le territoire d'origine, en fait, avec deux choses. Pas de rupture complète avec la famille, par exemple. Oui. Absolument, on peut observer ça sur le terrain, que les technologies de télécommunication répondent à ce besoin de parler lointaine beaucoup. Mais c'est pas seulement ça. On voit aussi que les nouvelles technologies sont un très sérieux support à l'intégration et aussi, bien entendu, aussi un très bon outil de contrôle. Alors voilà, on va aborder ces différentes dimensions. Guillaume Capel, bonjour. Bonjour. Donc vous dirigez l'association Singa. Alors la mission est de favoriser l'émergence justement d'espaces et d'outils de rencontre, d'échange et de collaboration pour les réfugiés et leur société d'accueil. C'est ce qui est écrit sur votre site. Alors l'un des projets se nomme Calme, comme à la maison. C'est ça que signifie ce sigle. De quoi s'agit-il ? En fait, Calme, c'est une plateforme web qui va permettre de mettre en relation des réfugiés statutaires qui sont mal logés ou sans domicile fixe avec des familles ou des foyers d'accueil en France. Donc c'est une plateforme qui a été imaginée pendant un hackathon qu'on a organisé en janvier 2015. Peut-être que vous pourriez expliquer en deux mots. Pour faire simple, parce qu'il y en a plein de sortes, mais c'est rassemblé pendant 48 heures des développeurs et des designers pour qu'ils créent des applications, des sites internet qui vont répondre à une problématique. D'accord, donc c'est à la suite, c'est au sein de cette réunion de programmeurs que ça vient même d'avant, parce qu'on avait fait une étude internationale en 2013 sur les usages par les réfugiés des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et c'est là qu'on s'était beaucoup intéressé aux risques, mais aussi aux opportunités que pouvait représenter le numérique pour surtout connecter les gens, et on avait repéré quelque chose en Australie qu'on a amélioré pour créer Calme. Alors peut-être déjà un premier bilan, vous nous en parliez tout à l'heure, du nombre de personnes qui se proposent d'accueillir des migrants chez eux. Là en fait, il y a eu une accélération ces dernières semaines aussi du fait de la médiatisation, on a eu plus de 8000 propositions partout en France. Quand je dis partout en France, c'est rendu bout de la Corse jusqu'à Dunkerque en passant par Brest et Strasbourg, de gens qui ont proposé soit une chambre dans leur hébergement, soit une maison secondaire, soit des châteaux, des choses un peu partout en France justement. 8000, ce qui est vraiment un chiffre qui commence à être tout à fait important, même par rapport aux chiffres annoncés par le gouvernement en termes de nombre de migrants pouvant prétendre au droit d'asile. Alors ça cache aussi la réalité, c'est qu'on a 8000 propositions d'un seul coup. Après, il faut mettre en place, faut faire les mises en relation, il faut s'assurer aussi que déjà les hébergements sont décents. Il faut faire aussi, nous on fait beaucoup de formation, donc on forme à la fois les hébergés et les hébergeants à un certain nombre de choses. Donc voilà, 8000 ça va pas se faire demain, sur les mois qui viennent. Mais ça donne quand même une idée de la réponse. Le numérique aujourd'hui, on voit que le numérique est un formidable outil pour mobiliser les citoyens. En fait, on a réussi grâce au numérique à donner à faire une proposition concrète d'engagement aux citoyens. Très bien, on y reviendra évidemment sur les modalités. Jérémy Lachal, bonjour. Bonjour. Donc vous dirigez une organisation qui s'appelle Bibliothèques sans frontières, une autre préoccupation à côté du logement, créer des bibliothèques comme facteur de transformation sociale. Alors en quoi cette action concerne les migrants ? Vous savez, nous, on travaille auprès des populations déplacées et réfugiées depuis le démarrage de Bibliothèques sans frontières. Alors d'abord en France, dans les centres d'hébergement, les centres d'accueil de demandeurs d'asile. Et c'est en Haïti, en fait, après le tremblement de terre, que tout s'est accéléré et transformé, parce que à la demande de nos partenaires sur le terrain, on a commencé à créer des bibliothèques sous tente dans les camps de déplacés. Et on s'est posé la question, finalement, que tout le monde se pose, est-ce que c'est vraiment prioritaire, quand tout s'est effondré, de créer des bibliothèques ? Et en réalité, le terrain nous a montré que non seulement c'est essentiel, mais ça procure aux gens en réalité des espaces de normalité, quand tout s'est effondré, quand vous êtes dans un camp de réfugiés, des espaces de normalité qui permettent aussi de lutter contre l'ennui. Parce que il y a une chose dont on parle assez rarement quand on parle de populations réfugiées dans des camps, je reviens de Jordanie, et les populations sont dans des camps, ils n'ont pas le droit de sortir, ils n'ont pas le droit de travailler. Et le temps moyen passé par un réfugié dans un camp, c'est 17 ans. Donc une fois les besoins de base qu'on appelle couverts, se nourrir, se loger, se soigner, etc., il faut quand même penser à se reconstruire, à se projeter dans l'avenir. Et c'est là où on a créé avec Bibliothèques sans frontières l'Ideas Box, une médiathèque en kit qui tient sur deux palettes et qui peut s'ouvrir comme ça pour créer un espace de 100 mètres carrés où on va trouver une connexion internet, des tablettes, des ordinateurs, des livres bien sûr, mais aussi un cinéma, de quoi faire du théâtre, enfin plein d'aspects comme ça d'une véritable médiathèque en kit. Et alors, bien sûr, pour lutter contre l'ennui, mais aussi pour reconnecter. Et c'est une des premières choses que l'on voit, une des premières aspects, c'est que dès qu'on met dans un camp de réfugiés, ou demain, on travaille là sur les parcours des migrants en Europe, en Grèce, à la frontière avec la Hongrie, etc., la première chose que des réfugiés vont faire quand ils vont avoir accès à ces outils-là, c'est se reconnecter à Internet pour pouvoir parler à leur famille. En fait, en réalité, on parle des réfugiés, on met un tampon comme ça, réfugiés, mais c'est des personnes qui sont pas différentes de nous. Quand on part de l'autre côté du globe en voyage, une chose qu'on fait régulièrement, c'est se connecter pour prendre des nouvelles de sa famille. C'est la première chose que l'on va faire. Et ben, c'est la même chose que de ce dont ces populations ont besoin, avec, en plus de ça, effectivement, le traumatisme du déracinement. Alors justement, Carlos Arbeláez, bonjour. Bonjour. Vous êtes un réfugié colombien. Oui. Vous êtes également aujourd'hui le président de l'association Singa. Mais quel a été pour vous le rôle des nouvelles technologies? Peut-être pas, je crois que vous m'avez raconté, pas pendant votre voyage, mais dès votre arrivée en France. Oui, c'est vrai que mon parcours pour arriver en France, c'était un peu différent à les parcours que normalement font les réfugiés, les migrants en général. Et je me suis retrouvé en France d'un jour au lendemain. Mais donc à partir du moment en avion, non ? J'arrivais par avion avec un visa. Donc à partir du moment où je me suis retrouvé en France, c'est à partir de là où j'ai partagé les mêmes problèmes que partagent tous les migrants en général. Et principalement, c'était la barrière de la langue. Donc à partir de ce moment-là où j'ai identifié ces problèmes, j'ai tout de suite eu un réflexe de le résoudre à travers le numérique. Donc tout de suite, je m'en servis dans les smartphones. C'est pas parce qu'on a un smartphone qu'on est un immigré riche. Un smartphone, c'est aussi un outil, un char de navigation. Donc c'est un investissement qu'on fait souvent quand on part loin à l'étranger et qu'on a besoin d'un outil pour s'orienter. Donc je me suis servi beaucoup des traducteurs en ligne, aussi d'une carte comme Google Maps, par exemple, pour identifier les points, les adresses et des associations que je cherchais normalement. Et aussi les réseaux sociaux pour entrer en contact avec des communautés, des communautés colombiennes, par exemple, à Paris. Et une chose très importante, c'était apprendre la procédure d'asile. Comment est-ce que je pouvais demander l'asile? C'était une chose fondamentale parce que déjà je ne connaissais pas du tout comment ça s'est fait. Donc à travers. Vous êtes parti un peu brutalement de Colombie? Oui, c'était d'un jour au lendemain. D'accord. Un jour au lendemain. Donc je n'ai pas eu le temps de prévoir voilà. Tout ça. Donc c'était sous les coups en étant ici en France. Donc c'est avec les numériques, avec l'accès internet que j'ai pu comprendre plus ou moins comment ça marchait, même s'il y a beaucoup de limites parce qu'il y avait la barrière de la langue. Donc les informations, c'est souvent en français. Oui, c'est des procédures que souvent les Français eux-mêmes ont du mal à comprendre. Donc on imagine quand on est étranger et qu'on ne maîtrise pas la langue du pays. Écrit dans un français un peu soutenu, juridique. Et pour autre chose qui était très utile, les numériques, c'était pour les informations de la vie courante. Par exemple, ceux qui parlaient, Jérémy, les demandeurs d'asile et les réfugiés pendant la procédure, ils ont beaucoup de temps libre. Donc normalement, les gens ils cherchent des activités pour investir ce temps. Par exemple, dans mon cas, c'était d'aller dans une bibliothèque. Je ne savais pas au début que je pouvais aller dans une bibliothèque parce qu'il y avait certaines bibliothèques qui étaient payantes. Donc par exemple, j'ai identifié que je pouvais aller à Beaubourg, à la BPI, et, où il y avait des livres écrits en espagnol. Et je pouvais trouver des textes de García Márquez, par exemple. Et la musique, c'était aussi très important. Donc je pouvais avoir accès à la musique dans mon smartphone pour la motivation, pour se rappeler un peu des souvenirs du pays, etc. Et déjà les photos de la famille que j'avais accès tout le temps, c'était aussi très très important. Et une autre chose, une autre utilité que je trouvais, c'était une façon de stocker les informations très importantes. C'est-à-dire, par exemple, ma pièce d'identité colombienne, mon passeport, parce que j'avais un passeport. Tout ça, je l'avais pris en photo avec mon smartphone, parce que souvent, je me faisais voler dans les centres d'accueil. Et donc, je stockais toutes ces informations à travers le numérique pour éviter de ne pas le perdre. Donc, si jamais j'avais un problème avec la police en contrôle, je montrais la photo. Et les informations très importantes, je le gardais dans une consigne et dans son association et à Paris. Et autre chose très importante, c'est toutes les pièces d'état civil, parce que par exemple dans mon cas, j'ai pas eu le temps de recueillir toutes ces pièces importantes pour la procédure auprès de la OFPRA. Donc OFPRA, c'est l'Officine française des protections des réfugiés apatriates, et c'est eux qui donnent le statut des réfugiés politiques aux demandeurs d'asile. Donc tous ces documents dont j'avais besoin pour constituer les dossiers. Je le suis fait ramener ici à travers d'Internet. Donc, dans un premier temps, j'avais peur de faire un interchange des informations avec les gens en Colombie parce que, bien sûr, il y a eu beaucoup de problèmes d'espionnage, de gouvernement, etc. Donc, on s'en servait, par exemple, des plateformes comme Tor, c'est dans la Darknet. Et donc, c'est anonymise. C'est une alternative différente à l'Internet pour ne pas être suivi et pour envoyer des informations de façon confidentielle. On peut ouvrir même un compte mail dans le Darknet. Et donc, je me suis beaucoup servi de cette moyen. On viendra sur le reste de vos utilisations. Christian Licop, bonjour. Bonjour. Vous êtes intéressé particulièrement à une fonction qui est très utilisée, qui est Skype. Par les migrants. Alors, pour quelles raisons avoir choisi cet angle-là ? Disons que l'intérêt de Skype, c'est quelque chose qui donne des ressources visuelles pour communiquer à distance. Et ça trouve une application particulière chez migrants. On a parlé tout à l'heure du besoin de maintenir le contact. Ce besoin, il peut prendre la forme, par exemple, de rester en contact avec ses enfants à distance pour des parents qui sont partis, pour des femmes par exemple qui sont d'Asie du Sud-Est, qui ont travaillé dans le Golfe ou qui ont migré dans les pays européens. Et donc dans ce cas-là, ce type de communication est particulièrement utile parce que ça permet de pas seulement de communiquer comme au téléphone ou de prendre des nouvelles, mais de voir par exemple ses enfants grandir, d'assurer que si ses enfants bas âge, ils puissent se reconnaître, de les voir manger, leur donner des conseils. Donc il y a toute une forme de maintien du lien social, du lien familial, que les anglo-saxons appellent être parent à distance, qui n'est possible que par ces technologies. Et alors, Skype est utilisé plus généralement, bien sûr. Toutes les populations d'expatriés utilisent aussi Skype. Mais il y a vraiment un enjeu très très particulier, très spécifique aux migrants, justement pour garder le contact, mais d'une manière où on fait encore famille. Et c'est à ce titre-là. Et donc le contact visuel dans ce cas-là joue un rôle essentiel, parce que voir ce que mange son enfant pour une mère, voir ce que mange son enfant et pouvoir lui faire un commentaire, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, c'est quelque chose d'essentiel en fait. C'est une façon, c'est plus que maintenir le contact. S'accomplir en tant que mère, vivre ensemble. Nana Diminesco, vous approuvez. Est-ce que Skype est utilisé particulièrement qui veut témoigner Oui, bien sûr. Skype, Facebook aussi beaucoup parce que on se retrouve en fait très souvent dans des quand vous êtes par exemple en Afrique ou au Burundi où on travaille beaucoup ces populations qui sont des réfugiés congolais et qui ont en général pas accès à des connexions internet au débit. Donc c'est pas forcément par Skype qu'ils vont passer, mais plutôt par des formats de Facebook qu'on appelle Facebook Lite, qui sont des applications Facebook très légères en fait, où on retrouve Facebook mais sur des petits téléphones, vous savez, les téléphones qu'on avait il y a 10 ans là et qu'on trouve partout et qui sont extrêmement solides et avec des batteries qui tiennent, et on n'est pas encore au smartphone mais on arrive à avoir des applications de ce type là. Et en fait, quand on connecte Internet, quand on crée un point à travers une IDS box dans un camp de connexion Internet, première chose que les gens font, c'est Facebook. Et ensuite, effectivement, on crée des liens et on va retrouver des gens à travers Skype, à l'autre bout du monde, etc. Guillaume Capel ? Oui, nous, l'étude internationale là, qu'on a menée dans 15 pays, c'était plutôt en Europe, Amérique du Nord et Océanie. Elle nous a montré aussi la même chose, c'est que les usages qui sont faits par les réfugiés du numérique, ils vont être beaucoup tourné vers la société d'origine. On va prendre des nouvelles, on va voir un peu quelle est l'actualité dans son pays, on va contacter ses proches, soit par WhatsApp aussi qui est beaucoup utilisé, Skype. Et puis après, c'est comme disait tout à l'heure Carlos, en fait, à l'intérieur du pays, on va utiliser beaucoup tout ce qui est traduction pour pouvoir un peu comprendre ce qui se passe et se repérer dans l'espace. Et après, il y a une chose qui... Là, il y a de plus en plus aussi de choses qu'on utilise maintenant pour être mis en relation, je dirais, dans la société d'accueil. Mais ça, c'était, en tout cas, nous, dans les récits qu'on a entendus, quelque chose qui était minoritaire. France Culture, Sciences Publiques, Michel Alberganti. Nous débattons aujourd'hui la question « Quel rôle jouent les nouvelles technologies dans l'immigration ?» avec nos invités Carlos Arbeláez, réfugié colombien en France et président de l'association Singa, Guillaume Capel, cofondateur et co-directeur de Singa, Dana Diminescu, sociologue et enseignant-chercheur à Télécom Paris Tech, Jérémy Lachal, directeur général de Bibliothèques sans frontières, et Christian Licop, professeur de sociologie à Télécom Paris Tech. Dana Diminescu, vous voulez réagir aux propos de Guillaume Capel? Oui, parce que là, on a évoqué la communication à distance. Je peux dire que certains migrants le vivent comme, bien entendu, un soulagement, une façon d'approcher le lointain, mais d'autres comme un devoir et quelque chose qui charge. Et de plus en plus, en fait, être présent à sa famille, être présent loin, c'est devenu le deuxième travail du migrant aujourd'hui. Tu veux réagir peut-être, Carlos? Carlos Abelaez. Oui, c'est vrai, parce que, par exemple, au début, quand je suis arrivé, je restais en contact permanent avec ma famille et avec les informations, tout ce qui s'est passé dans mon pays. C'est-à-dire, j'allais tout le temps sur les journaux et sur les médias pour savoir ce qui s'est passé. Donc, je me suis rendu compte très rapidement que je menais une double vie. Une vie virtuelle en France et une vie virtuelle en Colombie et une vie réelle en France. Vous risquez de confondre, en fait. Ouais, c'était totalement insupportable parce que ça ne me permettait pas de me concentrer et ça menait plein de problèmes. Donc, dans un certain moment, j'ai dû faire un peu une coupure de ces vies virtuelles et sans perdre les contacts avec ma famille, bien sûr, mais en essayant de laisser un peu de côté tout ce qui était information. Ça, c'est intéressant, l'équilibre entre les deux mondes, celui d'avant et le présent. Et effectivement, cette volonté de ne pas rompre le lien peut poser des problèmes d'intégration, paradoxalement, Dana Diminescu. Il y a des situations quand on assiste à une nouvelle forme de ghettoisation, si je peux dire comme ça, dans le monde virtuel. Il y a aussi des situations un peu contraignantes, parce que je donne un exemple. Une famille se trouve ensemble sur Skype. La maman et sa fille qui vit en France, elles ouvrent toute la journée, laissent ouvertes en fait les caméras. Simplement que la mère ne vit pas toute seule. Elle vit avec son fils qui est marié et qui sent qu'il est tout le temps sur le télescope de l'autre famille qui se trouve en France. Donc, ça chamboule un peu les pratiques. Donc, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Mais ce que je voudrais venir, et sur quoi je voudrais revenir à propos du migrant connecté, parce qu'on évoque là le migrant connecté, il ne s'agit pas seulement de quelqu'un qui communique par Skype. Au fond, les nouvelles technologies ont touché tous les aspects de la vie du migrant. Et le témoignage de Carlos l'a très bien montré. On peut... Au fond, quand on voit l'univers numérique du migrant, et c'est pas seulement, bien entendu, ça compte le téléphone mobile avec toutes les applications qui sont sur lui, mais une carte bancaire, c'est aussi une forme une pratique digitale aujourd'hui, un passeport digital aussi. Et donc, quand on pense aux migrants connectés, il faut penser, au fond, à tous ces objets qui donnent accès. Et par cela aussi, on voit s'il est intégré ou pas. Alors, tous ces témoignages montrent quand même un rôle absolument fondamental du téléphone mobile, qui devient l'objet un peu central de toutes ces possibilités. On voit aussi que la recharge, du coup, des téléphones mobiles devient une nécessité quasi vitale aussi, et des personnes proposent de recharger le téléphone des migrants pour les aider. Donc, il y a aussi, après, la gestion de ce téléphone, et quand vous parliez, Carlos Arbalès, tout ce que vous aviez mis dans ce téléphone, du coup, c'est le téléphone qui devient un objet extrêmement précieux et qu'il faut protéger, j'imagine, à la fois contre les risques de perte, de casse ou de vol, puisque certains, peut-être, sont démunis. On parlera d'ailleurs de la fracture numérique qui se recrée de cette façon entre, peut-être, certains migrants. Mais Jérémy Lachal voulait intervenir. Oui, alors simplement, juste avant, parce que je vais vous répondre sur ces questions de téléphone, parce que ça nous intéresse particulièrement à Bibliothèque sans frontières, mais simplement pour dire, les technologies à tous les niveaux, aujourd'hui le Haut Commissariat aux réfugiés utilise par exemple les empreintes rétiniennes pour pouvoir reconnaître, si vous voulez, les personnes pour les distributions de nourriture ou de coupons alimentaires, etc. Et c'est extrêmement important parce qu'effectivement, quand on est réfugié, on est aussi vulnérable, et on est vulnérable au vol, aux violences, etc. Carlos le disait très bien tout à l'heure, il fallait pas qu'il perde son téléphone. Et du coup, réussir à trouver des choses qui sont pas justement des choses embarquées, mais qui sont plutôt des choses qui relèvent peut-être de l'intime ou du corps, permettre justement de passer une barrière supplémentaire. Mais ça permet aussi un contrôle supplémentaire. Et on voit bien tout ce qui se passe autour des empreintes digitales aujourd'hui en Europe. Mais je pense qu'on y reviendra. Avec les migrants qui effacent leurs empreintes digitales. Ou qui essayent aussi d'éviter les pays où on prend les empreintes, parce que c'est le pays où vous devrez demander l'asile. C'est, simplement pour revenir sur ces questions de téléphone, nous on voit, il y a énormément aujourd'hui de bibliothèques avec qui on travaille qui voient arriver des migrants qui viennent recharger leur téléphone portable. Alors, il y a un gros problème, c'est que les bibliothèques en France n'ont pas le droit de donner accès à leur prise pour recharger leur téléphone portable. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait imaginer pour la suite. On a vu à Calais ces gens qui sont venus dans les camps avec des groupes électrogènes et des multiprises pour permettre aux gens de recharger leur téléphone. Même dans leur domicile, des fois, installer des batteries de prise. Alors, aujourd'hui, on étudie la possibilité d'installer des IDS box sur l'île de Lesbos, qui est un des points d'entrée, hein, entre. Donc, IDS box, depuis la Turquie. Rappelle, c'est votre système de. C'est médiathèque en kit, mais du coup, voilà, là, on est sur des situations de transit, c'est-à-dire que les gens vont rester, ils sont restés parfois un mois, mais plutôt 5 jours, 3 jours, etc. Les gens, ils ont besoin de quoi dans ces conditions? En fait, on a beaucoup de gens qui ont pris le bateau et soit qui sont tombés à l'eau, soit le bateau s'est renversé, soit ils se sont fait voler dans le trajet et qui n'ont plus de téléphone portable. Donc la première chose, c'est se reconnecter, on retrouve ça. Ensuite, et donc du coup là, la connexion Internet est extrêmement importante. Pour ceux qui ont encore leur téléphone, avoir de l'électricité. Et ensuite, une des choses qui revient systématiquement et qui appelle, je pense, de façon plus profonde à ces questions de dignité en réalité de ces populations, c'est ce que disait Carlos très bien, c'est les questions administratives. Et en fait, en réalité, c'est quel droit j'ai. Quand j'arrive aujourd'hui en Grèce réfugié, quel droit j'ai. Et en fait, la plupart des réfugiés, je crois qu'on parlera de culpabilité tout à l'heure, la plupart des réfugiés, en réalité, il y a une forme de culpabilité, ou en tout cas, il y a une méconnaissance totale de leurs droits. Et en réalité, aujourd'hui, un réfugié qui arrive en Hongrie et qui va se faire malmener par la police, ou il a des droits. Il a des droits parce qu'il est justement dans cette situation-là. Et la plupart du temps, ils ne le savent pas. Donc c'est extrêmement important de pouvoir donner accès via la téléphone portable, mais aussi via les bibliothèques, c'est là où elles sont importantes, de donner accès à ces droits. Et bien sûr, à toutes les associations qui travaillent dans ce sens-là. Guillaume Capel. Oui, je rejoins le témoignage. En fait, on a remarqué que la plupart des organisations qui travaillent avec ou pour les réfugiés, que ce soit des institutions ou des associations, et je mets Singa d'ailleurs dans le paquet, quand on va sur leur site internet ou sur les applications, on voit qu'elles s'adressent à d'autres associations, à des médias, éventuellement à des bénévoles, mais à peu près jamais au public concerné. Alors que pourtant, on sait qu'aujourd'hui, les réfugiés sont connectés, puisqu'on vient de parler à quel point les gens ont des smartphones, ils vont dans des cybercafés pour avoir les connexions. Donc, on pourrait directement s'adresser à eux. Et c'est à partir de ce constat-là, en fait, qu'on avait lancé aussi toute l'initiative de création de nouvelles applications, etc., pour être au plus proche des utilisateurs et en fait, casser un peu cette intermédiation qu'on a créée à cause des nouvelles technologies. Alors, peut-être qu'un exemple, justement, de ce dont vous parlez est fourni par une autre application qui s'appelle Reconnect, qui est un cloud solidaire. Et Dana Diminescu, je crois que vous avez travaillé avec le groupe SOS Solidarité, vous le connaissez tous les deux. Et donc, l'idée, c'est de créer un espace numérique personnel et sécurisé pour les destiner aux personnes en forte précarité, afin de conserver des copies de leurs documents administratifs, entre autres, justement, la préoccupation dont Carlos Arbeláez nous a parlé tout à l'heure, et qui est un souci, j'imagine, essentiel pour un migrant qui n'a pas encore de domicile, qui est arrivé peut-être sans papier important administratif de chez lui. Dana Diminescu. Je n'ai pas directement travaillé avec l'association Reconnect, mais on échange je soutiens en fait leur démarche, partant de l'observation que peut-être, oui, sans papier, mais avec un téléphone portable dans la poche, et que ça c'est une réalité, et que dans un deuxième temps, il y a ce besoin de déposer, de nourrir son dossier avec les papiers administratifs, et que dans chaque cas, ça c'est difficile. Et l'association Reconnect a imaginé en fait ce dispositif de coffre-fort numérique d'abord pour les sans domicile fixe. Et maintenant, ils l'adaptent pour les réfugiés. Et je trouve très louable leur travail. Ils commencent à tester en fait le iCloud qu'ils ont conçu ce mois-ci. Et il faut les encourager parce que c'est une très bonne initiative. Voilà, donc il y a un lien d'ailleurs sur la page internet de l'émission avec cette association Reconnect. Carlos Arbeláez, quand vous êtes arrivé à Paris, donc avant même que peut-être certains des outils dont on parle aujourd'hui, je ne sais pas, c'était en quelle année que vous êtes arrivé? C'était en 2011. Donc peut-être toutes ces certaines applications dont on parle aujourd'hui n'existait peut-être pas à l'époque. Comment ça s'est passé pour vous, cette demande de droit d'asile, et aussi quelle a été l'issue de vos démarches? Mon premier réflexe, c'était de mon service de numérique. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de limites. Comme je vous avais dit, la barrière de la langue, c'était les principales limites. Et aussi, si bien on dit que les réfugiés, ils sont connectés, ils ne sont pas connectés tout le temps. Donc, une fois la bibliothèque est fermée, les cafés est fermé, immédiatement, on perd la connexion Internet, donc on est un peu désorienté, un peu perdu. Et c'est vrai que pendant la nuit, il arrive pas mal de soucis qu'on doit résoudre et qu'on peut résoudre qu'avec l'Internet. Donc c'était très très difficile à l'époque, c'était plutôt avec l'expérience, et en train de perdre le temps dans une queue pendant des heures pour juste demander une petite information, et en train de passer des nuits dans la rue, et après savoir qu'existaient les 115, c'était avec l'expérience que je me suis rendu compte que toutes ces informations existaient, mais elles existent de façon très cachée et dans une langue qui est dispersée. Très bien. Christian Licop, c'est quand même un fait, tout autour du téléphone mobile, c'est quand même remarquable de voir quelle place il prend dans ce phénomène aussi bien des migrants d'ailleurs que des personnes sans domicile ou qui ont perdu leur logement ou leur travail. Comment vous analysez-vous cette place du téléphone mobile aujourd'hui en termes sociologiques peut-être ? Je dirais que le téléphone mobile, pour les migrants comme plus généralement pour le grand public, c'est devenu la plateforme où se concentre l'ensemble des services qu'on utilise. Il a remplacé un peu, au début on a parlé de l'ordinateur pour jouer ce rôle et il y a une espèce de transfert. Il y a un transfert. Je voulais peut-être revenir sur quelque chose qu'a dit Carlos, qui est très important de ne pas insister là-dessus assez, c'est le problème linguistique, le problème de l'accès aux langues. C'est-à-dire qu'il y a une fracture linguistique. Et il y a des inégalités très très grandes des migrants dans l'accès qu'ils peuvent avoir aux compétences linguistiques dans le pays d'origine. Certains peuvent avoir dans leur environnement immédiat accès à un membre de leur communauté qui fait le passeur, qui va jouer le rôle de ce qu'on appelle community interpreter, mais c'est pas toujours le cas. Et la question linguistique, je pense, est absolument et l'interprétariat est absolument centrale. Tu l'as évoqué tout à l'heure, mais je pense vraiment que c'est un point extrêmement crucial dans la manière dont les migrants peuvent avoir plus ou moins facilement accès à toutes ces démarches administratives. Alors on parle depuis longtemps de systèmes de traduction simultanée, automatique, justement, qui pourraient passer par les téléphones mobiles. Je crois qu'on n'en est pas encore arrivé là. C'est forcément quelque chose de difficile. La puissance des téléphones peut-être va aider à aller dans ce sens-là. Dana Diminescu, mais est-ce qu'il ne faut quand même pas qu'on donne l'impression que tous les migrants actuels ont un téléphone mobile, encore moins un smartphone, et peut-être qu'il faut parler des problèmes que pose une forme de fracture numérique à l'intérieur même de cette communauté? Je dirais, s'ils n'ont pas le téléphone mobile, ça devrait nous inquiéter, parce que rester connecté, c'est vraiment un impératif pour s'intégrer aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sûr que tous les migrants actuels qui viennent de Syrie, d'Irak ou d'autres pays, une large majorité, ils sont équipés en téléphone mobile, sinon ils connaissent quelqu'un qui utilise le téléphone mobile. Et j'ai rencontré des cas, notamment au début de mes enquêtes de terrain, quand le téléphone était utilisé d'une façon communautaire, ça veut dire qu'il servait pour tout le squat. Et le répondeur, c'était vraiment le secrétariat du pauvre pour tout le monde. Mais n'empêche que avec un téléphone mobile, ces gens-là qui vendaient dans la rue des journaux de rue sont sortis de la rue dans une année. Et ça m'a saisi. C'était une évidence que, au fond, ça a permis aux gens qui étaient sans domicile fixe, sans papier, dans des situations vraiment précaires, de s'accrocher en fait dans la société d'accueil, de faire des liens et de le maintenir et trouver du travail, parce que c'était surtout ça qu'ils cherchaient. Christian Licop. Oui, sur cette question de fracture numérique, je pense qu'il faut prendre aussi conscience que c'est quelque chose de graduel. Il y a effectivement un aspect brutal au fait d'avoir son téléphone mobile ou pas un téléphone mobile, qui est un premier niveau de fracture numérique. Mais il y a une autre fracture numérique qui est la compétence à utiliser des applications de plus en plus sophistiquées, justement sur ces plateformes mobiles qui sont devenues le point de concentration de tout un tas de services, les compétences linguistiques pour s'en servir dans le pays d'origine. Et je pense que tous les migrants ne sont pas égaux à ce niveau-là. Et c'est là qu'il y a besoin des applications dont on a parlé pour accompagner, en particulier ceux qui sont le plus en difficulté par rapport à ces fractures numériques. Il y a plusieurs fractures numériques. En fait, il n'y a pas qu'une fracture numérique. Il y a toute une série graduée de fractures numériques en termes d'accès à différents services et technologies. Alors, Jérémy Lachal, peut-être. Oui, bah, pour répondre à ça, vous allez dire que je défends mon précaré, mais je pense que les bibliothèques sont extrêmement importantes pour ça. En réalité, on le voit, Carlos parlait de la BPI tout à l'heure, mais la bibliothèque publique d'information, le Beaubourg, du centre Beaubourg. Pompidou. Mmh. On sait qu'il y a beaucoup de migrants qui viennent. On sait qu'il y a beaucoup de migrants qui viennent, mais dans toutes les bibliothèques de France, de Paris, de la Gaîté Lyrique, on a fait tout un travail avec eux, un projet de cartographie participative avec des mineurs isolés étrangers. C'est absolument fantastique sur la réappropriation de la ville, de l'espace par justement des mineurs qui arrivent à Paris, à Roissy, à Bobigny, etc. et qui se retrouvent. Comment on découvre l'espace autour de soi? Et là, la cartographie participative avec des GPS en main dans la ville et on cartographie les lieux qui nous intéressent, les points. Alors pour les enfants ou les jeunes, c'était des endroits où ils pouvaient se restaurer ou des piscines ou des parcs ou des choses comme ça. Mais donc du coup, on a une carte aujourd'hui communautaire qui permet de faire ça. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est justement avoir des lieux de médiation. Alors les associations le font très bien, mais bien souvent on oublie la bibliothèque là-dedans. Et en réalité, ce qui s'est passé à la Gaîté Lyrique, c'est intéressant, c'est que c'est après les révolutions tunisiennes, où il y a eu beaucoup de réfugiés tunisiens qui sont venus, et qui sont venus d'ailleurs dans les parcs à côté de Gare de l'Est, qui vivaient à l'extérieur. Un jour, il y en a un qui a osé passer la porte. La Gaîté Lyrique, si vous connaissez pas, c'est un lieu qui, enfin là, il faut passer la porte, c'est assez impressionnant, etc. Il a passé la porte et il a vu qu'il y avait un mur entier, une vingtaine d'ordinateurs comme ça, contre les murs, où il pouvait se reconnecter. Et ensuite, il a amené tous ses copains et c'est parti comme ça. Et donc, du coup, il faut passer la porte de la bibliothèque, ou alors il faut que les bibliothèques aillent chercher justement ces populations là où elles sont. Guillaume Capel, peut-être un mot. Oui, enfin, non, que dire de plus La question, par exemple, est-ce qu'il y a aujourd'hui dans les migrants que vous pouvez côtoyer ce problème de fracture? Est-ce qu'il y a des migrants qui à la fois, soit, enfin les deux, finalement les deux types de fractures que Christian Lucop a cité, soit l'absence de téléphone, soit l'absence de capacité à exploiter toutes les applications utiles pour les migrants? Après, on n'est jamais en mesure d'exploiter toutes les applications possibles. Imaginez, moi, ce que je constate, c'est qu'on tous les gens qu'on connaît, en tout cas qu'on côtoie au sein de SIGA, sont connectés. C'est-à-dire qu'ils ont, si c'est pas eux-mêmes, en tout cas quelqu'un qui a un téléphone ou un smartphone. Donc ils vont systématiquement être sur des applications qu'on connaît tous. Ce qu'on voit beaucoup moins, c'est qu'ils soient connectés sur les sites internet que nous on crée en tant qu'association, etc. Et ça doit changer en fait. Et je pense qu'on a vraiment de la place pour faire évoluer ces projets-là, et notamment en faisant en sorte que les migrants et les réfugiés soient eux-mêmes créateurs de projets, soient codeurs, soient ceux qui nous disent comment, quel type de projet serait intéressant pour eux. Il y a des informaticiens, j'imagine, parmi les migrants également. Ouais, j'en doute pas, et qui doivent sans doute être en train de créer des super projets. Carlos Abelaez. Je voulais revenir sur ce que disait Jérémy sur l'importance des bibliothèques. Il faut pas oublier que les bibliothèques, c'est aussi un refuge physique. On pense toujours à la bibliothèque comme un refuge moral où on peut trouver des informations, mais c'est aussi un endroit où on peut se retrouver avec des autres, c'est aussi un endroit où on peut se protéger du froid. Par exemple, dans mon cas, l'hiver de 2011, c'était un hiver très très froid, et pour un Colombien, un hiver, c'est l'enfer, quoi. Donc, j'étais allé à la bibliothèque, au début, c'était pour me protéger du froid. Donc il faut pas oublier ce côté aussi des refuges physiques. France Culture, Sciences Publiques, Michel Albert-Gonti. Quel rôle jouent les nouvelles technologies dans l'immigration? C'est la question dont nous débattons aujourd'hui avec Carlos Abelaez, réfugié colombien en France et président de l'association SINGA, Guillaume Capel, cofondateur et co-directeur de SINGA, Dana Diminescu, sociologue et chercheur enseignant-chercheur même, à Télécom Paris Tech, Jérémy Lachal, directeur général de Bibliothèque Sans Frontières, et Christian Licop, pardon, professeur de sociologie à Télécom Paris Tech également. Alors peut-être un mot quand même sur aussi le fait que ces nouvelles technologies ne sont pas simplement au service des migrants, et évidemment les autorités utilisent peut-être les mêmes ou espionnent celles que les migrants utilisent à des fins de contrôle de cette immigration. On a entendu parler des problèmes posés par les contrôles biométriques. Est-ce que justement, Carlos Abelaez, vous avez eu un problème, vous avez parlé de Darknet tout à l'heure, donc qui est une espèce de version discrète d'Internet. Est-ce que ce problème de liaison avec votre famille et de mise en cause finalement de vos proches par les liaisons avec eux est un problème très important pour un migrant? Oui, c'est très important. Dans la mesure où on a souffert des persécutions des États. Donc, il y a toujours la crainte par rapport à la famille et à les proches qui restent dans les pays qu'on a quittés. Donc, je pense que ces outils sont extrêmement importants pour faire des échanges en total anonymat. Donc, c'est quand même de plus en plus difficile, ou pas forcément à la portée aussi de n'importe qui, oui, comme utilisateur d'Internet. Et c'est aussi difficile parce que c'est encore des outils inconnus par les gens. Donc c'était aussi tout un procès d'apprentissage, savoir comment le utiliser. Et un autre problème qui me préoccupait à l'époque, c'était le fait que mon portable avait un GPS. Et je ne sais pas si jusqu'à aujourd'hui on a trouvé des solutions pour régler ces problèmes, parce que on a entendu des histoires après le printemps arabe et des réfugiés tunisiens en France qui se sont fait repérer par leur gouvernement à travers du GPS de son portable. Okay. Oui, ça c'est. Il est clair que le GPS peut. Vous remarquez que le contrôle est dans deux sens. Donc il y a un contrôle pour les flux qui arrivent dans les pays d'accueil, mais il y a aussi un contrôle dont souvent on ne pense pas. Dans le pays d'origine. Et il y a une responsabilité quand même, je rajoute, oui. Pour tous les créateurs d'applications ou d'outils. Nous, on le voit bien avec l'Ideas Box, c'est qu'en réalité, dès qu'on met du numérique quelque part, on collecte de la data, on collecte ce qu'on appelle les analytics, beaucoup d'informations sur les gens, etc. Qui utilise le service, ça peut vraiment être retort, hein, parce qu'effectivement, des gouvernements peuvent très bien utiliser ça pour poursuivre justement des personnes qui sont parties de leur pays parce qu'ils étaient... ils sont réfugiés de violence, etc. Et donc, du coup, il faut faire très attention, et c'est aussi la responsabilité. Et bien souvent, c'est là où ça devient très complexe, c'est que des associations qui créent des outils, comme nous, hein, nous, on l'a pris de plein fouet. Je vous assure, quand on est arrivé au Burundi avec les Ideas Box, on commençait à collecter de la data, et on s'est dit, mais attends, il faut arrêter ça tout de suite, parce qu'il faut anonymiser, et il faut dépersonnaliser. C'est encore plus pointu que ça. Et du coup, que risquer les utilisateurs dans ce cas-là? Par rapport à une bibliothèque, on peut imaginer que c'est moins sensible que d'autres usages. Sauf que c'était le seul point de connexion Internet dans le camp. Donc ça veut dire qu'ils peuvent regarder, c'est-à-dire qu'ils vont se connecter à Internet et ils peuvent aller justement chercher de l'information. Et à partir du moment où ils vont chercher de l'information ou publier de l'information, ils peuvent très bien aussi tenir un journal politique sur le Congo depuis le camp au Burundi. Ou avoir un site Facebook qui ou avoir exactement un blog ou une page Facebook. Et ça, il n'y a pas de raison que nous, on l'interdit, si vous voulez. Mais il faut faire très attention, et c'est de notre responsabilité, quelque part, de protéger la vie de ces personnes. Donc un mot sur ces bibliothèques, sur la fonction qu'elles ont dans les lieux où vous les installez. Comment les gens les utilisent concrètement? Mais vous savez... On crée d'abord un espace sécurisé, et ça c'est quelque chose que Carlos disait tout à l'heure, c'est d'abord un espace sécurisé où les gens peuvent se sentir bien, où on met les enfants en protection, en situation, ils sont protégés. Un espace là, dans ce cas-là, physique? Un espace physique, oui, ça crée un espace de 50-100 mètres carrés, et on sait qu'à l'intérieur de cet espace, on est en dehors de la vie du camp, de l'insécurité, etc. Ça c'est la première chose. Il y a beaucoup de gens qui viennent juste pour cet espace. Et ensuite, à l'intérieur de cet espace, il va y avoir plein d'activités. Il y a plein de portes d'entrée dans la box. On va venir se connecter à Internet, ou alors on va venir regarder un film, les enfants vont pouvoir faire leurs devoirs, on va venir parce qu'il y a un atelier de théâtre, ou alors il y a des caméras vidéo, on va tourner un film. Enfin bon, il y a plein d'outils comme ça. Et en même temps, c'est une porte, c'est une fenêtre sur le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous dit beaucoup. C'est que quand on est coincé dans un camp de réfugiés, qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on ne peut rien faire, eh ben, il faut se reconnecter. Et on retrouve cette idée. La technologie est évidemment un moyen là-dedans. C'est pas la finalité. C'est bien cette idée de dire comment on ouvre une fenêtre sur le monde. Et c'est bien ça l'idée même de la Ideas Box. Donc vous utilisez des tablettes, des ordinateurs, ouais, tout à fait. Et on a beaucoup de technologies offline, c'est-à-dire sans connexion Internet aussi. C'est-à-dire beaucoup de ressources qui sont locales, parce que effectivement, dans plein de situations, parce qu'on parle de la France là, mais dans plein de situations dans le monde, et même en France d'ailleurs, la connexion Internet, elle saute. Et donc il faut trouver des moyens aussi pour justement avoir ces accès à ces technologies ou à de l'Internet déconnecté. Peut-être quand même revenir sur cette question du problème du suivi par des gouvernements. Alors, il y a le gouvernement du pays dans lequel on est réfugié, mais comme le disait Carlos Abelaez tout à l'heure, il y a aussi le gouvernement du pays d'où on vient et qui peut continuer grâce à toutes ces connexions, puisque finalement Internet est accessible de toutes parts, à suivre certaines personnes au fil de son parcours de migrant, ce qui quand même le mauvais aspect de la technologie. On a beaucoup parlé de ce que ça pouvait apporter aux migrants. Comment se protéger, comment leur apprendre à peut-être se protéger de ce regard indiscret, Guillaume Capel? C'est extrêmement difficile. Là, par exemple, Calme, l'application, on va s'intéresser aux individus. Donc du coup, on va justement récupérer un certain nombre de données personnelles qu'on va matcher. Pour mettre en relation, par exemple, des gens qui sont fans de Manchester United. Ça va jusque-là. On va essayer de trouver des zones géographiques, mais on va aussi trouver des centres d'intérêt qui soient professionnels ou plutôt sociaux. Mais c'est vrai qu'à partir de là, on se demande comment éviter d'avoir ces données. Et puis on doit vérifier, nous, par exemple, puisqu'on travaille avec les réfugiés statutaires, donc on doit vérifier que les personnes qu'on met en relation sont bien réfugiés statutaires. Donc ça signifie voir par exemple le titre de séjour. Si ce titre de séjour se retrouve en ligne, c'est quelque chose qui peut être hacké assez facilement. À partir du moment que c'est en ligne, de toute manière, ça peut être hacké facilement. Donc ça signifie qu'il faut créer un système qui est à la fois online et à la fois offline. Et on est dans un vrai paradoxe, parce que on a envie d'être au plus proche des personnes, de les comprendre le mieux possible et d'avoir le plus d'informations sur elles. Et en même temps, il faut absolument que ces informations ne soient pas accessibles. Il faut trouver un juste par tout le monde. Donc il faut trouver un juste milieu. Nana Diminescu, c'est quand même l'envers de la médaille des nouvelles technologies au service des migrants. Oui. Mais oui, absolument, c'est l'envers de la médaille, et il y a plein de cas et des exemples de bonnes et de mauvaises. Mais il n'y a pas seulement de mauvaises, parce que là, on n'a mis que le négatif. Non, on a beaucoup parlé du positif, mais il ne faut pas occulter le fait que... la gestion des traces, je veux dire, oui. Parce que ça peut être aussi un outil de gestion, en fait, pas seulement de contrôle policier. C'est ça que je veux dire. Donc, ça dépend comment on utilise ces traces. Et bien entendu, en respectant le droit à l'anonymat, le droit que chaque personne est propriétaire de ses propres données personnelles. Donc, chaque fois quand on fait une recherche, quand on utilise ces données-là, il faut respecter un protocole de privacy by design. Mais c'est ce protocole de protection de la vie privée, c'est ce que vous voulez dire, il va entrer forcément en opposition avec les préoccupations des gouvernements qui, eux, cherchent essentiellement à pouvoir maîtriser l'immigration, donc à contrôler un maximum de choses. Carlos Arbelaez, comment vous sentez, vous, cette dualité et ces objectifs contradictoires, au fond? Je pense que ça passe plutôt par l'information. Et la plupart des réfugiés, ils ne s'aperçoivent pas que, par exemple, les réseaux sociaux peuvent le mettre en péril. Ils se sentent très, très en sécurité derrière l'écran d'un ordinateur, derrière l'écran d'un portable. Donc, tu passes par les informations. Beaucoup de gens, ils ne savent même pas que les IP web, c'est un truc qu'on peut suivre jusqu'au point de géolocaliser. Donc, c'est quelque chose qu'il faut dire et qu'il faut mettre en discussion avec les communautés. Donc ça, c'est une véritable pédagogie à mener vis-à-vis des migrants qui, effectivement, tout le monde n'est pas aussi vulnérable ou en situation aussi précaire, mais tout le monde peut le devenir, effectivement. Il est l'heure de retrouver Atik Raimi qui, tout au long de la journée, de cette journée consacrée à l'exil, nous propose des mots de son dictionnaire intime de l'exil. Et je crois que ce mot qu'il a choisi pour Sciences Publiques est culpabilité. Atik, c'est à vous. À Paris, au bord du canal Saint-Martin, il fait beau, je me balade. Derrière moi, j'entends quelqu'un parler au téléphone dans sa langue d'origine, la même langue que la mienne. Il dit, je ne sais à qui, qu'il a effacé ses empreintes. Puis le silence, il écoute. Étrange conversation, inquiétante. Je m'arrête pour me retourner et voir mon compatriote. C'est un jeune homme d'une vingtaine d'années, un demandeur d'asile sans doute. À peine a-t-il fini sa conversation téléphonique que je m'approche de lui. Après nous être salués, il me dit qu'il vient du même pays que moi. Cela fait 6 mois qu'il est ici, dans l'espoir de traverser la Manche pour atteindre sa terre promise, l'Angleterre. Toute sa vie est déjà mise dans un petit sac de toile, petit mais écrasant son dos. Ses mains sont enfouies dans les gants qu'il n'ôte pas pour me serrer la main. Il garde ses bras, un peu écartés comme deux parenthèses protégeant son corps maigre et élancé. On se parle. Me voyant intrigué par ses gants, il me dit qu'il a des mains déformées, qu'elle a dû subir des tortures. Il me raconte ça, sa vie, ses périples. Il me dit aussi qu'elle est partout chassée comme un criminel, toujours sous surveillance. Je pense à cette phrase dite il y a plus de 3 siècles par un certain Sophocle dans Oedipe à Colone. Ne me regardez pas comme un criminel. Je ne suis qu'un étranger. En effet, un exilé est avant tout, même avant de prendre la route de l'exil, est un être coupable. Coupable d'être libre, coupable de ne pas adhérer à la guerre, à la terreur. Coupable de rêver d'un ailleurs, d'une vie meilleure. Et puis, une fois arrivé sur la terre d'asile, il est encore considéré comme un homme hors la loi, un clandestin, un criminel. Partout, il doit laisser ses empreintes digitales. Une épreuve violente que subissent depuis un certain temps les immigrants avant qu'ils ne franchissent la zone Schengen, surtout ceux qui, durant leur longue périple, ont déjà laissé leur empreinte dans un des pays européens. Comme ce jeune homme avec qui je parle, qui porte des gants pour cacher ses doigts mutilés avec du feu ou avec de l'acide afin de ne pas être identifié par la police. Un tel acte signifie métaphoriquement, psychologiquement et littéralement la perte de l'identité chez un individu lors de son exil. C'est aussi un châtiment, comme si l'exilé était un criminel, d'où cet étrange symptôme de sentiment de culpabilité qui range perpétuellement les immigrés, un sentiment qui engendre en lui une sorte d'angoisse ineffable, une peur sourde, l'entraînant dans des situations inquiétantes et absurdes. Raimi, merci beaucoup. Peut-être un mot justement par rapport au débat qu'on a eu aujourd'hui sur les nouvelles technologies. Vous avez fait référence dans le mot que de votre dictionnaire culpabilité à cette question de l'identité et des empreintes digitales par exemple. Quand vous-même êtes arrivé en France, est-ce que les nouvelles technologies existaient déjà et est-ce que vous les avez utilisées? Oh, moi, je viens dans les années 84, 85, donc, ici en France, bien avant Internet. Non, j'ai pas laissé les empreintes de mes doigts. Quelque part, non, c'était à l'époque, vous savez, c'était la période de la guerre froide et les Afghans à ce moment-là, étaient les princes un peu partout, parce que c'était les cavaliers qui se battaient contre l'Empire soviétique, etc., etc. Donc, des grands cavaliers qui venaient, qui voient... Non, ça n'a, malheureusement, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. On est aujourd'hui comme des criminels. Mais aujourd'hui, les technologies dont on a parlé dans cette émission, qui permettent de garder un lien avec le pays d'origine, qui permettent aussi de mieux peut-être s'intégrer dans le pays d'accueil, comment vous les voyez, ces technologies ? Bah écoutez, c'est comme chaque fois, comme tous les moyens, il y a deux côtés positifs et négatifs, donc ça dépend comment on l'utilise. C'est vrai que d'un côté, on voit que ce sont les mêmes moyens qui servent aux immigrants, aux clandestins, de s'organiser, de chercher justement des voies, de communiquer avec les autres qui se trouvent ailleurs, avec leur passeport d'homme, etc., etc. Mais en même temps, ça permet à la police de localiser ces immigrants. Donc, je peux pas dire, je peux pas juger si c'est bon ou mauvais. Vous auriez eu envie de conserver un lien avec votre famille, avec vos amis sur place. Je me rappelle, à mon époque, on pouvait même pas envoyer des lettres chez nous, parce que la poste, c'était assez aléatoire à ce moment-là. Et puis, comme c'était un État communiste, donc il détruisait immédiatement les lettres venues des pays occidentaux. Et je me rappelle, rien que pour téléphoner en Afghanistan, on passait des heures et des heures pour avoir justement l'autorisation d'appeler. Et puis, de temps en temps, même, ça nous coûtait très cher d'appeler dans des cabines téléphoniques publiques. Donc, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Par rapport à ce que disait Carlos Arbeláez tout à l'heure, c'est-à-dire cette difficulté finalement à rompre pour une nécessaire raison qui est de s'intégrer dans son nouveau pays, de rompre le lien avec votre passé et votre famille. Est-ce que ça a été douloureux, j'imagine, par rapport à la séparation, et en même temps un facteur de plonger dans le nouvel univers qui était celui que vous aviez choisi? Ah, ça c'est sûr. Si j'avais les mêmes moyens qu'aujourd'hui à l'époque, je restais plus en contact avec mon pays. Et j'aurais pas le même élan pour m'intégrer dans la société française, dans la culture française, bien sûr. Je vois aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, là où il y a presque 1 million d'Afghans, entre autres mes tantes, mes oncles, mes cousins, qui ont sorti avec moi, même plus petits, même ceux qui sont nés aux États-Unis, ils parlent pas très bien l'anglais, ils sont pas intégrés dans la société américaine, mais parce que depuis un certain temps, ils ont quand on va chez eux, c'est la musique afghane bien sûr, et puis la télé afghane. Parce qu'en Afghanistan, la seule chose qui marche, c'est les chaînes de télé. Il y en a presque 30 chaînes de télé. Et les Afghans ne regardent que ça. Ils ne regardent jamais les émissions américaines, sur les télés américaines. Oui. Donc, oui, ils ont gardé en effet un rapport très étroit avec le pays. Merci beaucoup à Atik Raïmi pour ce témoignage de fin d'émission. Le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Carlos Arbeláez, Guillaume Capel, Dana Diminescu, Jérémy Lachal et Christophe Licop d'y avoir participé. Sur le site de Sciences Publiques, vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et la podcaster pendant 1 an. Et bien entendu, vous pouvez nous faire part de vos réactions, commentaires et témoignages. La semaine prochaine, vendredi 2 octobre, nous vous proposerons une émission spéciale de Sciences Publiques puisqu'elle se déroulera le lendemain du 1er octobre. Or, un analyste économique américain, Martin Armstrong, annonce depuis plusieurs années une crise financière majeure qui doit débuter, selon lui, le 1er octobre, justement. L'histoire de Martin Armstrong est relatée dans un documentaire sorti en France le 16 septembre et dont France Culture est partenaire. Dans Sciences Publiques, nous prendrons acte de ce qui se sera produit ou non le 1er octobre et nous nous interrogerons dans les deux cas sur les possibilités de prévision des crises financières et des krachs boursiers grâce aux mathématiques. Pour cela, nous recevrons Martin Armstrong en duplex depuis les États-Unis ainsi que le mathématicien Yvan Eklund et le sociologue spécialiste de la finance Paul Jorion. Sciences Publiques, Dany Journaud, Élise Leu, Marie Dalquier, Michel Albert-Ganty.